Vous écoutez France Inter, il est 13h22, on retrouve tout de suite Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. C'était lors de l'une de nos premières rencontres. Monsieur X, je peux bien le dire aujourd'hui, demeurait méfiant et ne livrait ses confidences qu'au goutte à goutte. Ce soir-là, nous avions parlé de la chasse aux savants allemands, une chasse imaginée avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui va impitoyablement opposer les alliés d'hier. Il s'agit pour eux de s'octroyer les services des meilleurs cerveaux. Et peu importait alors que certains d'entre eux aient collaboré sans état d'âme avec les nazis, en exploitant même la main-d'œuvre corvéable à merci des déportés. Ce qui se jouait alors, c'était l'après-guerre et la compétition prévisible entre les deux camps. Monsieur X, il me l'a alors avoué, a personnellement participé à cette chasse aux savants, même si les Français ont souvent été tenus en marge par les anglo-saxons. Pourquoi est-ce que je reviens sur ce sujet? Parce qu'il est évident que tout n'a pas été dit sur cette affaire et que beaucoup de secrets dorment encore dans les archives des services de renseignement à l'ouest comme à l'est. Mais surtout parce qu'à l'époque, M. X avait fait allusion à l'un des faits divers les plus célèbres de ce dernier demi-siècle, l'affaire Dominici. Mais quel rapport entre le triple meurtre de 1952, qui a valu au vieux Gaston Dominici une condamnation à mort, et cette chasse aux cerveaux allemands? La personnalité de l'une des victimes, Sir Jack Drummond, un authentique savant, mais aussi un membre éminent des services secrets de son pays, un Britannique qui a joué un rôle important pendant et après la guerre, dans cette campagne clandestine de recrutement de savants allemands, et qui a peut-être été assassiné en 1952 à cause de ses activités passées. Dans un instant, M. X nous livre le fond de sa pensée à propos de cette mystérieuse affaire. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. J'imagine que, comme tout le monde, cette affaire vous a passionné. Ah, bien sûr, encore qu'en 1952... C'est vrai, vous étiez trop jeune. Oui, mais moi je me souviens surtout du film interprété par Gabin. Et hein. Le jeune Depardieu, dont c'était un des tout premiers rôles. Ah, c'est ça, j'ignorais. Il est vrai que Gabin était formidable en Gaston Dominici, mais ce n'est pas le sujet. Attendez quand même, avant d'aller plus loin, je me souviens de notre première conversation sur ce sujet. Vous laissiez entendre que Gaston Dominici était innocent. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous avez toujours été convaincu de son innocence? Oui. Parce que vous connaissiez la vérité ou une partie de celle-ci? Pas du tout. Je ne me suis intéressé que tardivement à cette affaire qui se présentait alors comme un simple fait divers. Trois morts, quand même. D'accord. Enfin, pour moi, comme pour la plupart des Français, c'était une affaire criminelle. Un point, c'est tout. Une énigme policière qu'il fallait résoudre, mais pas plus. D'ailleurs, on avait surnommé le commissaire qui menait l'enquête le Maigret marseillais, c'est tout vous dire. Oui, mais pourquoi pensiez-vous que Gaston Dominici était innocent? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semblait que les aveux du vieux ne collaient absolument pas avec la réalité. Et mais c'est pourtant ces aveux qui vont lui valoir une condamnation à mort. Exactement, une condamnation qui sera commuée en peine de réclusion. Puis le vieux sera gracié par le général de Gaulle au début des années 60, si je me souviens bien. Oui, en raison de son grand âge. Oui, c'est ce qu'on a dit à l'époque. Mais vous connaissez beaucoup de triples meurtriers, et parmi les victimes, il y avait une enfant, qui sont graciés au bout de quelques années de prison. Vous voulez dire que... Quand au lieu, on savait que l'affaire Dominici, malgré la condamnation du vieux, n'était pas vraiment résolue. Ça me paraît évident. Ouais. Alors, avant d'en venir à votre hypothèse, à vous, hein, vous pourriez peut-être m'expliquer pourquoi la culpabilité de Gaston vous paraissait invraisemblable. Si vous voulez. Mais il faut peut-être d'abord resituer les faits et les lieux, parce que l'endroit n'est pas ordinaire. Ouais, l'Urse, c'est ça? Oui, un village des Alpes de Haute-Provence. Autrefois, ça s'appelait les Basses-Alpes. Ouais. Le clan des Dominici est installé dans une ferme, la Grand-Terre. C'est une maison située dans un endroit isolé au bord de la route nationale 96, près de la voie ferrée et de la Durance. une modeste propriété que le vieux Dominici aidait de ses enfants a acquise à la sueur de son front. Vous avez parlé d'un clan, hein? Oui, parce que la famille, il y a 9 enfants, est très soudée autour du patriarche. C'est lui qui commande et on obéit. Et s'il n'y a plus que Gustave et sa femme Yvette qui vivent à la Grande-Terre, il ne se passe guère de jours ou de semaines sans que les autres enfants viennent faire des visites. Il y aura quand même des dissensions dans la famille. Comme dans toutes les familles, et sous la pression des enquêteurs, certains faibliront. Mais à l'exception d'un seul, tous se ressouderont autour du vieux. On a fait de ce dernier un personnage à Giono. Bah, c'est le pays, non? Manosque n'est pas très loin de l'Urse, et on y trouve les mêmes paysages, les mêmes parfums. Ouais, bah, ça ne suffit peut-être pas. Vous avez raison. Si j'osais, je dirais que Gaston Dominici était presque naturellement un personnage de roman. Un type dur, matois, pittoresque. Un berger qui a une tête extraordinaire, des petits yeux malins, une grande moustache à la gauloise, des traits burinés, le sens de la répartie. Une image d'Épinal, quoi. Épinal du Sud, quoi. Pardonnez-moi, je me laisse emporter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait dans cette affaire tous les ingrédients d'un grand roman paysan. 3 morts. Et ce clan d'hommes durs et de femmes secrètes, tout proches. Oui, bon, c'est son réveil, hein. Ces 3 morts, justement. Oh, je ne vais pas vous raconter toute l'affaire. Non, mais je pense quand même qu'il faut être un peu plus précis. Ces 3 morts, ce sont des Anglais, les Drummond. Le père, la mère et leur fillette Elisabeth. Ils sont en vacances, hein. En principe, oui. Mais pourquoi, en principe? Ben, c'est un des mystères de cette affaire, mais j'y reviendrai. En tout cas, ce 4 août 1952, en début de soirée, ils arrêtent leur voiture à proximité de la Grande-Terre. À proximité, ça veut dire 150 mètres, à peu près. Ouais. Et sur un terrain appartenant au Dominici? Non, les Drummond s'installent sur une aire des ponts et chaussées en bordure de la route. Dans quel but? Ils veulent y passer la nuit? Ben, là encore, il y a doute, selon la version officielle. Celle des enquêteurs? Bien sûr. Donc, ouais. Selon ces derniers, les Drummond s'arrêtent là pour camper. Le long d'une route? Bizarre, non? Il leur suffisait de s'enfoncer de quelques mètres dans la nature pour trouver un endroit plus confortable. Parce que même si la route nationale à l'époque n'est pas aussi fréquentée que de nos jours, il y a quand même des passages d'auto, de camions. Et puis le revêtement en gravier n'est pas très hospitalier, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous ne croyez pas cette version du camping? Non, je vais vous donner 3 bonnes raisons. D'une part, les Drummond sont plutôt habitués au confort et descendent dans les meilleurs hôtels. D'autre part, c'est vrai, ils possédaient du matériel de camping, mais ils l'avaient laissé chez des amis à Villefranche-sur-Mer. Enfin, lorsqu'ils ont été tués, vers 1h du matin, ils étaient toujours habillés, à l'exception de la petite qui dormait sur le siège arrière de leur auto. Ben, ils ont pu, improviser, décider d'un seul coup de s'arrêter, de repartir au petit matin. Non, c'est complètement invraisemblable. Ils se sont arrêtés vers 20h. Il leur suffisait de rouler 1h30 de plus et ils arrivaient chez leurs amis à Villefranche. Bon, alors s'ils ne campaient pas, que faisaient-ils? Je suis persuadé qu'ils avaient un rendez-vous. À cette heure-là et dans un endroit pareil? Exactement. Mais on en reparlera tout à l'heure. Vers 1h du matin, on entend 5 coups de feu. On entend qui? Les habitants de la Grande-Terre. Ouais. Les Dominici, donc? Oui. Et au petit matin, 3 employés de la SNCF, dont un des fils Dominici, Clovis, découvrent le corps inanimé de la petite Elisabeth près de la Durance. Elle est morte. On lui a frappé le front avec quelque chose de très lourd. Et les parents de Drummond? Ils sont découverts un peu plus tard de part et d'autre de la Nationale, près de leur auto, tués par arme à feu. C'est un autre fils, Dominici, Gustave, qui a fait la macabre découverte et fait prévenir la gendarmerie. J'interromps un instant le récit de Monsieur X. En effet, la découverte des corps a donné lieu à bien des versions contradictoires. Et Gustave, Dominici lui-même, a semble-t-il menti à plusieurs reprises. À tel point que pour les enquêteurs, il a longtemps fait l'objet de suspects numéro 1. Il déclare par exemple avoir entendu la nuit du triple crime, après les détonations, des cris d'enfants. Mais il ne bouge pas. Plus tard, il affirme être sorti vers 4h du matin et avoir découvert la petite Elisabeth. Elle vivait encore. Mais il nie ensuite. Comme il nie s'être approché de l'auto des Drummond. Pourtant, un témoin qu'il charge d'aller prévenir la gendarmerie le trouve près de la voiture des Anglais. Pourquoi ces mensonges successifs? Pourquoi aussi les corps ont-ils été déplacés entre le moment où ils ont été tués et celui où les gendarmes sont arrivés sur place? Est-ce Gustave qui les a bougés et dans quel but? Autant de mystères qui vont durablement embrouiller l'affaire et qui ne sont d'ailleurs toujours pas résolus. Le Maigret marseillais, comme vont rapidement l'appeler vos confrères, arrive dans l'après-midi même. Son véritable nom? Sébeille, le commissaire Sébeille. Il se sent tout de suite très à l'aise. Pourquoi? Parce que ce policier, qui par ailleurs un bon flic, adore les crimes champêtres. Plaisantez, non? Non, pas du tout. Ce citadin assure avoir une sorte de flair pour comprendre ces affaires criminelles, et une habileté certaine pour faire parler les paysans. D'ailleurs, peu de temps auparavant, il a réussi à élucider une affaire de ce type et il y a gagné un prestige certain. Ça veut dire qu'il considère d'emblée qu'il s'agit d'un crime champêtre, comme vous dites. Oui. Et immédiatement, ses regards se portent vers la maison la plus proche, une grosse bâtisse ventrue qu'on appelle la Grand-Terre. C'est évident. Pour lui, les Dominici sont en première ligne. La presse va jouer dans cette affaire un rôle considérable. Ses analyses, ses mensonges, ses affabulations pèseront lourd, en particulier lorsque s'ouvrira le procès de Gaston Dominici, 2 ans après les faits. Un journaliste, William Raymond, auteur d'un livre dont nous reparlerons, s'est attaché à comprendre. Il a publié ses conclusions dans la revue Historia en février 1998. Je le cite. À coups de manchettes en lettres grasses, l'affaire devient internationale. Le premier élément de cet engouement est le contexte général. Le crime a lieu au début du mois d'août, en pleine période creuse pour l'actualité. Le triple assassinat de touristes britanniques dans un département qui commence à s'ouvrir à la modernité est donc du pain béni pour relancer les tirages. Surtout lorsqu'une des victimes est un enfant. S'il n'y avait pas eu Elizabeth Drummond, 10 ans, tuée à coups de crosse, l'affaire n'aurait pas connu un tel retentissement. L'émotion liée à l'assassinat d'une fillette est facilement communicable. Elle est immédiatement, intimement et inconsciemment partagée par tous. D'ailleurs, au mépris de la vérité, les journalistes n'hésitèrent pas à en rajouter dans le pathos et l'angélisme. Pour tous, et en particulier les illustrateurs, Elisabeth devint une enfant blonde aux cheveux longs. En réalité, la fille Drummond était brune et avait une coupe à la garçonne. Plus loin, William Raymond écrit encore. Très rapidement, la majorité des journaux travaillera avec la police au risque de se transformer en outil inquisitorial. Ainsi, Jean-Paul Olivier, reporter à Nice Matin et lui aussi proche du commissaire Sébeil, témoigne. C'est la pression de la presse qui a conduit les Dominici à mettre les genoux à terre. Si la presse avait été molle, le vieux n'aurait jamais avoué. L'arme du crime est très vite découverte. Où ? Tout près, dans la Durance. C'est une carabine américaine automatique M1. La crosse est ébréchée, elle a servi à tuer la petite Elisabeth. Ici se place un incident très curieux. Racontez. Clovis Dominici est présent quand la carabine est repêchée. Quand il voit l'arme, il a l'air profondément troublé. Comment ? Comme s'il la reconnaissait ? Exactement. Et plus tard, ça pèsera très lourd dans le dossier de l'accusation, quand le commissaire Sébeil affirmera que la carabine appartenait à Gaston Dominici. C'est-à-dire que dès ce moment, Clovis aurait compris que son père était coupable. Oui, il ne faut pas oublier qu'il finira par l'accuser. C'est en effet troublant, non ? Vous avez une autre explication ? Au moins une, oui. L'un des voisins des Dominici possédait lui aussi une carabine de ce type-là. Et Clovis a pu penser à l'arme de son voisin. Oui, effectivement, ça, c'est plausible. Mais c'est une piste qui ne sera jamais explorée. Comme ne sera jamais explorée non plus la piste de l'empreinte de chaussure qui est relevée dans le sol sablonneux près de l'endroit où le corps de la fillette a été retrouvé. Vous insinuez donc que la police, tellement persuadée que la solution se trouve à la Grande-Terre, néglige les autres pistes. C'est clair, non ? Je dois dire que les mensonges successifs de Gustave conduisent légitimement le commissaire Sébeil à soupçonner Dominici. D'autant qu'un autre membre du clan, Roger, un petit-fils de Gaston qui passe souvent à la Grande-Terre pour voir Gustave, accumule lui aussi les déclarations contradictoires. Mais quand le commissaire commence-t-il à s'intéresser vraiment au vieux Dominici ? Très tardivement. Des mois et des mois s'écoulent. Sébeil veut aboutir. Il visite régulièrement la Grande-Terre. Et quelle est la réaction de Gaston, hein ? Le vieux, ça l'amuse un peu. Pendant que Sébeil parle, il tire sur sa pipe tranquillement. Ouais, nullement inquiet, donc. Nullement, et plutôt goguenard. Et alors, quel âge, hein ? 76 ans. Et bien qu'il s'appuie sur sa canne, c'est encore un vieillard solide qui a toute sa tête. L'un des avocats de Gaston Dominici, René Floriot, a évoqué dans son livre Les erreurs judiciaires les rapports qui existaient entre le commissaire Sébeil et le patriarche, comme on l'appelait. À 76 ans, grand-père de 21 petits-enfants, il siège au conseil municipal et jouit de la considération générale. Il a même reçu une décoration pour avoir aidé à l'arrestation d'un dangereux malfaiteur. Un détail est symptomatique. Le commissaire, suivant un usage assez répandu, surtout à la campagne, interroge un certain nombre de témoins en les tutoyant. Il en est un cependant qu'il vous voit. C'est Gaston Dominici. Le vieux, lui, tutoie le commissaire. Il le fait sans forfanterie ni arrogance, mais parce qu'il considère qu'on doit le respect à son âge et à ses cheveux blancs. Par ailleurs, aucune contradiction n'a jamais été relevée dans les déclarations qu'il a faites. Pour Sébeille, le commissaire Sébeille, c'est donc Gustave qui est le suspect. Tout à fait. Hein, ouais. Et le Maigret marseillais le harcèle. Ouais. Mais qui est-ce, en réalité, ce Gustave Dominici? Un paysan, un brave homme qui n'est pas de taille à résister à un policier aussi acharné que Sébeille. Et un jour, 15 mois après les faits, il arrive ce qui devait arriver. Gustave s'effondre. Il avoue? Non, il accuse son père. Le matin même du drame, le patriarche lui a avoué qu'il était le triple meurtrier. Et d'ajouter que Clovis aussi, c'est la vérité. Ce que ce dernier va confesser aux enquêteurs. Gaston est donc interpellé par les policiers? Naturellement, et on l'interroge longuement, très longuement. Mais le vieux ne craque pas. C'est insolite, je vous l'ai dit. Oui, mais ça doit être terrible pour ce vieillard de se voir accusé par deux de ses fils. Certainement, d'autant que Dominici ne connaît rien aux arcanes de la justice. Loin de sa grand-terre, de sa femme qu'il appelle la sardine, il est perdu, désorienté. Et c'est sans doute pour ces raisons qu'il va lui aussi finir par se laisser aller. Comment ça se passe? Dominici vient de subir une 20aine d'heures d'interrogatoire défilé. On le laisse enfin se reposer un peu sous la garde d'un policier de la région. Un type qui parle le patois local, c'est important. Parce que le vieux va se sentir en confiance? Bien sûr. Alors les deux hommes bavardent. Gaston évoque sa famille, ses nombreux petits-enfants, et soudain il se met à pleurer. Une émotion naturelle. Oui, mais ce policier ne l'entend pas ainsi. Pour lui, ses larmes sont causées par le remords. Et assez finement, il dit au patriarche, on tiendra compte de votre âge. Et puis, c'était peut-être un accident. Et voilà le vieux qui opine et qui dit, oui, c'était un accident. Mais il explique ce qui s'est réellement passé? Il dit que sur le coup de 11h du soir, il lui a pris l'envie d'aller chasser. Il est donc sorti armé de sa carabine. Attendez, que voulait-il chasser avec une carabine, le gros gibier, sanglier, en pleine nuit? Vous avez raison, c'est bizarre. Aussi bizarre que cette brusque envie de chasser qu'il prend à 11h du soir. Alors que ça fait des années qu'il ne chasse plus. Enfin, continuons. Dominici est donc dehors. Il approche du campement des Drummond. Jacques Drummond l'aperçoit, le prend pour un maraudeur, bagarre, un coup de feu part, l'anglais est tué. Dominici assassine ensuite la femme et la fillette. Des aveux faits un simple gardien de la paix, hein, n'ont pas grande valeur. C'est juste. Aussi ce policier propose au vieux de réitérer ses aveux devant le commissaire. Mais Dominici a gardé un très mauvais souvenir de son interminable interrogatoire. Alors il ne veut pas le voir. C'est exact. Par contre, il est prêt à parler à un personnage qu'il appelle curieusement le président, et qui n'est autre que le commissaire de Digne. Le vieux a cette tête. Tout à fait. Et devant ce commissaire, il avoue à nouveau? Oui et non. Ah, oui ou non? Il dit en substance, je veux bien avouer, mais je suis innocent. Enfin, je comprends pas. Si, dans l'esprit de Gaston, ses aveux n'ont qu'un objectif, sauver l'honneur de ses enfants et petits-enfants. Bref, il s'accuse à la place de l'un d'entre eux. C'est juste. Et naturellement, il pense à Gustave, et peut-être aussi à son petit-fils, Roger. Ouais, mais les policiers ne peuvent pas accepter des aveux présentés de cette façon. Oui, mais d'un autre côté, pour la première fois dans cette affaire qui se traîne depuis des mois et des mois, il y a des aveux. Et ça, ça fait réfléchir. Vous voulez dire que c'est tentant? Bien sûr. Seulement pour que ces aveux soient crédibles, il faudrait trouver un vrai mobile. Parce que l'histoire de Dominici, pris par un maraudeur, par Jacques Drummond, ne fait pas très sérieux. Alors le commissaire qui interroge le vieux a une idée. Et si c'était à cause de la femme? La femme de Drummond? Oui. Gaston aurait pu l'espionner, avoir un geste déplacé, ou même plus. Et aussitôt, le patriarche s'engouffre dans cette thèse qui lui a été suggérée par le commissaire. Il va même en rajouter. Il a surpris Mrs. Drummond, alors en chemise transparente. Elle était en train de se déshabiller. Il s'est approché, l'anglaise pas farouche lui a permis quelques privautés, mais le mari est survenu et le drame a éclaté. Ben, Gaston avait 76 ans, rappelons-le. Hein. Puis il m'avait bien dit que lorsqu'on a retrouvé le corps de Mrs. Drummond, celle-ci était encore habillée. Oui, mais peu importe. Les policiers pensent avoir enfin obtenu des aveux circonstanciés. Et malgré les incohérences de la reconstitution, ils vont foncer tête baissée, sans se soucier de la vraisemblance. Et surtout, en ignorant toutes les autres pistes. La reconstitution du triple meurtre de l'URSS, effectuée sous la direction du juge d'instruction, va en effet mettre en évidence de nombreuses invraisemblances. Le journaliste Claude Mossé en fait la liste dans un livre, Dominici Innocent, paru aux éditions du Rocher. J'en extrais ces quelques exemples. Gaston déclare, en portant le coup sur la tête de la fillette, la crosse s'est brisée. Objection. le docteur Nalin, qui a pratiqué l'autopsie d'Elisabeth, est formel. Aucun coup sur la tête, mais deux sur le front. Gaston déclare encore qu'il a été pris d'une soudaine envie de lui faire l'amour lorsqu'il a aperçu Anne Drummond se déshabiller. Il n'a pas pu résister. Objection. Gaston n'a pas pu voir Lady Anne se dévêtir puisque son corps a été retrouvé vêtu d'une robe d'été avec slip et soutien-gorge. Gaston déclare. L'homme, Sir Jack, s'est approché de moi. Nous nous sommes disputés et après l'empoignade, alors que j'avais laissé ma carabine près de la femme, je l'ai ramassée. Il a essayé de me désarmer en prenant la carabine par le canon. À ce moment, j'ai perdu la tête et sans me rendre compte, évidemment, de ce que je faisais, j'ai appuyé sur la gâchette. Objection. Qui peut croire que le vieux berger voulut séduire l'anglaise, une carabine à la main, qu'il l'aurait posée sur le sol avant de se livrer à quelques attouchements consentis? Quant aux conditions du premier coup de feu, elles ne résistent pas davantage à l'analyse. Tous les experts ont confirmé qu'aucun coup de feu n'avait pu être tiré à bout touchant. Les spécialistes n'ont pas trouvé la moindre trace de brûlure, le moindre résidu de poudre sur le corps de la victime. Autre élément troublant d'après Mossé. On présente au patriarche l'arme du crime. Malgré tout le désir qu'il a encore de s'accuser, il est incapable d'en préciser l'origine. Lors de la rapide confrontation avec ses fils, la veille au soir, dans le cabinet du juge, Gustave et Clovis ont lancé à leur père. « Tu sais bien que la carabine était cachée sur l'étagère du hangar. » Oui, voilà, si Gustave et Clovis avaient éprouvé quelques difficultés pour préciser de quelle étagère il s'agissait, pour Gaston, ce sera plus difficile encore. Le photographe de l'identité judiciaire devra s'y reprendre à 3 fois avant que le patriarche ne désigne la bonne étagère. Embarrassant aussi pour les enquêteurs d'obtenir de Gaston qu'il indique de quelle façon et à quel rythme il a tiré les coups de feu. Sans entrer dans une explication technique, les témoins présents ont affirmé que sans le recours d'un inspecteur, Dominici aurait été incapable de faire fonctionner cette arme automatique, lui, le chasseur, qui n'a jamais utilisé d'autres fusils que ceux qu'il faut recharger après chaque tir. Et tout ça, je vous l'affirme, ça sentait le trucage. La preuve la plus spectaculaire, Gaston a dit qu'après avoir tué les époux Drummond, il a voulu se débarrasser de la petite Elisabeth. Seulement, celle-ci s'était enfuie. Et il l'a rattrapée quelques dizaines de mètres plus loin, près de la Durance. Là où il l'aurait frappée à coups de crosse. Oui. Mettons entre parenthèses l'agilité de ce vieil homme capable de rejoindre à la course une enfant de 10 ans. Et encore plus extraordinaire, le chemin est caillouteux, il y a des épineux partout. Or, les plantes des pieds de la malheureuse fillette sont parfaitement intactes. Pas une blessure, pas même une écorchure. Ouais, j'ai compris depuis longtemps où vous vouliez en venir. Pour vous, Gaston Dominici, c'est évident, est innocent du triple crime dont il s'accuse. Hein. Donc il raconte n'importe quoi. D'ailleurs, il va bientôt se rétracter. Et lors de son procès, il ne cessera de clamer son innocence. D'accord, mais alors, pourquoi s'est-il d'abord accusé? Pourquoi ses fils aussi l'ont accusé? Je crois que tout le clan Dominici, soumis à la pression incessante de la police, de la presse, a été pris dans un climat de folie. Et les uns et les autres ont fini réellement par croire que c'était un membre de la famille qui avait fait le coup. D'où ce flot d'accusations, de rétractations. Les uns pour se protéger, les autres pour trouver un bouc émissaire. Oui, Gaston. Bien sûr, c'était le plus vieux. Et en raison de son grand âge, il ne risquait pas de finir sur l'échafaud. Oui. Moi, je demande qu'à vous croire, mais si les Dominici sont innocents, qui est ou qui sont les coupables? Pour bien comprendre cette incroyable histoire, il faut d'abord s'intéresser à Sir Jack Drummond. Oui. Dans un précédent entretien, vous m'avez laissé entendre que ce savant était aussi un membre des services secrets de son pays. Oui, et depuis fort longtemps. Ce qui n'empêche, c'est vrai que Drummond a été aussi un incontestable chercheur qui a rendu de grands services à son pays, en particulier pendant la guerre. Quel genre de service? Vous voulez dire les services connus? Bah oui, commençons par là. Biochimiste, Jack Drummond était un expert en nutrition. C'est un diététicien. Oui, et pendant la guerre, conseiller scientifique du ministère du Ravitaillement. Ces avis vont être précieux pour fournir aux Anglais, malgré les restrictions alimentaires, une nourriture équilibrée et suffisamment riche, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Ouais, il y a là rien de bien mystérieux. Et pourtant, officiellement, c'est ce travail qui lui vaudra d'être anobli. Ce qui vous fait soupçonner autre chose. Bien sûr. En fait, si Sir Jack Drummond a été réellement le grand nutritionniste qu'on a dit, c'était aussi un expert dans un domaine beaucoup plus secret, celui des armes chimiques et bactériologiques. C'est sûr, ça? Absolument. Mais est-ce que vous avez des preuves? Certains de mes amis anglais me l'ont confirmé sans difficulté. Drummond était depuis longtemps un membre de l'intelligence service, et sans doute depuis la guerre de 14-18. Une parenthèse. En 1954, l'année du procès de Minnissi, le journal britannique Sunday Empire News publie un article sur Jack Drummond, où un responsable des services secrets anglais affirme que le savant était membre de l'intelligence service. Ce même homme ajoute qu'au moment de sa mort, Drummond était toujours en activité. Mais il ne sera fait nulle mention de cette information lors du procès de Gaston de Minnissi. Mais quelle pouvait être l'utilité d'un diététicien pour les services secrets ? Avant d'être un spécialiste en alimentation, Drummond était un chimiste. Et c'est au cours du conflit de 14-18 que la chimie fait irruption dans la guerre, avec le tragique succès que l'on sait. Vous voulez parler des gaz de combat ? Naturellement. Il est à peu près prouvé aujourd'hui que Drummond a alors travaillé dans un laboratoire très secret, Porton Down, un site où les chercheurs se consacraient à la recherche en matière de défense chimique. De défense, mais aussi d'attaque, bien évidemment. Ça me rappelle un peu l'histoire de ce savant israélien, là. Klingberg. Oui. Il s'est d'abord occupé des maladies des céréales avant de concevoir des armes bactériologiques et chimiques. Vous avez tout à fait raison. Ça ressemble beaucoup au parcours de Drummond. Et il continue après la guerre de 14-18 ? Sans aucun doute. Entre les deux guerres, il ne cesse de voyager, de rencontrer des scientifiques, de visiter des laboratoires. Et à mon avis, à chaque fois, ce sont des missions de renseignement qu'il effectue. Mais supposition ? Quasi certitude. Ah. À l'époque, ce qui tracasse beaucoup les Anglais, ce sont les menaces d'attaques bactériologiques. Or, on sait que des scientifiques allemands travaillent sur cette question. Et notez-le bien, en 1939, juste avant la déclaration de la guerre, Jack Drummond est chargé d'étudier officiellement les problèmes de contamination de la nourriture. Ça me semble assez clair, non ? Oui, peut-être. J'ajoute qu'on retrouve ce curieux nutritionniste sur les champs de bataille. Qu'est-ce qu'il y fait ? J'imagine qu'il veut voir de plus près si les nazis utilisent ou non ces armes prohibées. Mais c'est lorsque la victoire est en vue que Drummond va jouer un rôle particulièrement éminent. Expliquer ce rôle est éminent. Jack Drummond va faire partie des équipes de chasseurs de cerveaux, chargées d'identifier et de capturer les savants allemands, des équipes composées principalement de scientifiques. Mais lui, Drummond, j'imagine qu'il va surtout s'occuper des chimistes et des bactériologistes. Exact, des types, entre parenthèses, qui avaient parfois procédé à des expériences sur des cobayes humains. Mais ferme-moi les yeux, parce que l'essentiel pour les alliés, c'est de s'approprier leurs connaissances et de s'emparer de leurs travaux. Et puis tant pis si la morale n'y trouve pas son compte. Mais je répète quand même, avez-vous des preuves ? Je peux vous dire que dès la fin de la guerre, Drummond est nommé conseiller en nutrition pour les zones d'occupation britanniques en Allemagne et en Autriche. Une excellente couverture, non ? Oui, mais d'accord, mais c'est pas une vraie preuve, ça. Que voulez-vous, dans le monde des services secrets, même si on écrit beaucoup, on s'attache surtout à effacer les traces et à brouiller les pistes. Ouais, mais admettons, on est loin de Minnissi. Quel rapport entre les activités secrètes de Sir Drummond et l'affaire de l'URSS ? Le triple crime a lieu en 52. 7 ans après la fin de la guerre. Oui, et la chasse au cerveau allemand est terminée de plus belle lurette. Une chasse qui a quand même, je vous l'ai raconté, donné lieu à des bagarres féroces entre les Occidentaux et les Soviétiques, mais aussi entre les alliés de l'Ouest. Enfin, toutefois, c'est vrai, en 1952, tout ça est terminé. Et donc, Drummond n'aurait pas pu être victime d'un épisode tardif de cette guerre. Je ne le crois pas, non. Même si on a prétendu que ce sont des agents commandités par Moscou qui ont abattu Drummond et sa famille, mais ça ne me paraît pas sérieux. Mais pourquoi, exactement ? Parce que pour les soviétiques, Drummond n'avait qu'un intérêt éventuel, les secrets dont il était porteur. L'assassiner était stupide, l'enlever, oui, aurait été beaucoup plus logique. Et une tentative d'enlèvement qui aurait mal tourné ? Non, Drummond a été froidement abattu. Et sa femme et sa fille l'ont été ensuite parce qu'il fallait éliminer les témoins de l'assassinat. Bon, alors j'en reviens à l'une de mes premières questions, hein. Qui ? La solution, enfin, à mon avis, se trouvait à quelques kilomètres au nord de l'URSS. Expliquez. Au lieu dit Saint-Auban, se trouvait alors une usine chimique. Qui fabriquait-on ? Beaucoup de produits très toxiques, des désherbants, des insecticides. Avant-guerre, on y avait même produit du chlore pour la fabrication du gaz moutarde. Oui, un gaz de combat. Et vous pensez qu'on pouvait aussi fabriquer donc des toxiques utilisables à des fins militaires ? Je le crois, oui. Ce qui veut dire que Drummond n'était peut-être pas à l'URSS tout à fait par hasard. Vous avez trouvé. Il avait certainement rendez-vous avec un homme susceptible de lui fournir des informations sur cette usine. Mais le ou les assassins sont intervenus pour faire échouer cette tentative d'espionnage. Ouais, reconnaissons que c'est plausible, mais ça peut être aussi une simple construction de l'esprit. Et puis, ces assassins. Des militaires. Des types chargés de veiller sur la sécurité de l'entreprise, ou peut-être des types des services secrets, mais je n'ai aucune certitude. Rien à filtrer ? Non. Il y avait des papiers dans la voiture de Drummond, On les a retrouvés en grand désordre. Sans doute le ou les assassins avaient-ils trouvé ce qu'il leur fallait trouver. D'autre part, dans la voiture, rien n'a été volé, à l'exception de l'appareil photo de Drummond, comme par hasard. Sur la pellicule qui se trouvait dans l'appareil, il y avait vraisemblablement la preuve que Sir Jack Drummond se livrait à un curieux travail du côté de l'URSS. Le journaliste William Raymond a publié en 1997 un livre préfacé par Alain Dominici, le petit-fils de Gaston, livre intitulé « Dominici, non coupable, les assassins retrouvés ». Dans cet ouvrage publié chez Flammarion, Raymond affirme que ce sont quatre malfrats venus d'Allemagne et commandités par un service des pays de l'Est qui ont assassiné Drummond et sa famille. L'un de ces hommes aurait même avoué son crime à la police allemande. Hypothèse très troublante car les aveux ont été relativement précis. Toutefois, Rémy Koffer, grand spécialiste des affaires d'espionnage, écrit dans un numéro récent de la revue Historia que cette thèse lui paraît sujette à caution parce qu'elle n'est pas dans la manière des services soviétiques qui répugnent à utiliser des mercenaires. Et si même ils les avaient utilisés, ils les auraient liquidés sitôt leur mission accomplie. Enfin, Koffer se demande si Drummond constituait un objectif suffisamment crucial pour que les soviétiques s'affranchissent de procédures opérationnelles exigeante et mise au point de longue date. Quant à la thèse de M. X, je n'ai trouvé confirmation dans aucun ouvrage, même si Raymond, dans son livre, signale l'existence de l'usine de produits chimiques de Saint-Auban à une dizaine de kilomètres de l'URSS. À samedi prochain avec M. X.